Stop. J'ai choisi la vie. Philippiens 1, 19 à 21. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Lumière éternelle. Quand ma flamme vacillera au crépuscule du jour, pour dans un long soupir s'éteindre pour toujours, je sais que mon berger, au prix de son amour, m'ouvrira sa demeure au terme du parcours. Pour moi, il s'est donné, en souffrant à la croix, a subi le fouet, les coups et les crachats, sans pourtant condamner ceux qui le torturaient, partageant ses vêtements, transperçant son côté. Son sang a tout lavé, mes fautes et mon péché. Jésus m'a pardonné, justifié, purifié. J'ai plié le genou devant sa sainteté, lui ai donné mon cœur et ma vie à jamais. Christ est ma justice et je suis son péché. Il est mon sacrifice, chemin de liberté. Il est mon rédempteur, mon secours et ma paix. Il ouvre tout grand le ciel, en lui j'ai tout trouvé. Je brillerai pour toujours dans son palais de gloire, d'une lumière éternelle partageant sa victoire. Les cieux nous sont ouverts et je garde l'espoir, si vous faites le bon choix, un jour de vous revoir. Par Gérard Bompard, lundi 10 février 2025.